Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer, spécial candidateur. Ben voilà. Alors on va vous présenter nos invités bien sûr dans quelques instants, mais avant je fais le tour de la table des permanents. À ma droite, le Jurassic Park des ondes, Bob du club. Salut les filles. Salut. Ces derniers temps, t'écrivais un petit truc, c'est fini. J'ai pas le temps d'écrire. Ah, c'était bien. Hein. Ouais, ouais. On attend son grand retour dans la tournée des blagues avec de nouvelles blagues, bien entendu inédites, on espère. N'importe quoi. Maurice. Salut les mecs. Le poids lourd de la blague. Nous avons avec nous également interdit sur toutes les ondes avec toutes ses chroniques. Aymeric De Guy. Salut la race blanche. Bravo. Mandela, reviens. Mandela, au secours. Ils sont devenus je fous. Je crois qu'il ne passe même plus à candidateur. C'est pour vous dire à quel point. On n'en veut plus. Et enfin, on attend son grand retour qui est annoncé très prochainement son au KFC, Frédéric Koster. Ouais, bravo. Bravo. Bravo Frédéric Koster. Une émission réalisée par Davy chaque semaine, oui. Bravo, et animée par Philippe Bello. Oh là, ça va être bien. Oh là là. Philippe Bello, bravo. Philippe Bello, Cher Frédéric, nous rappelons que cette émission sera sponsorisée aujourd'hui par Doliprane. Tu vas pouvoir nous présenter nos invités. Pourquoi Doliprane? Parce que généralement, après les émissions candidatant, Frédéric prend une demi-boîte de Doliprane. Ah. Ah oui, oui, oui. Ça va être drôle alors. Tu te démerdes, tu m'insultes depuis des semaines, des mois, des années. Pas du tout, c'est faux. Sur les ondes de toutes les radios de France, tu te démerdes. Pas du tout, on attend avec impatience ton grand retour sur scène. Oui, t'as dit que tu me produisais d'ailleurs. Ah bon? Oui. Ah oui, bon d'accord. Alors, les invités. Oui, bah c'est candidateur. Mais oui, mais à quoi, à qui? Eh ben on est Marc Gage. Ah bah ouais. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout seul. Bon alors, René Marc, on t'entend ce soir en direct dans l'émission, mais on dit quand même une chose, c'est qu'on est peut-être en plein mois d'août, car l'émission, comme d'habitude, candidateurs, les spéciales candidateurs sont diffusées au mois d'août. Oui. Donc là, l'été se passe bien pour toi, t'es tranquille. Mais je comprends pas. C'est censé être une nouvelle émission, pas le best-of du mois d'août. Non, mais là aujourd'hui, c'est une nouvelle émission. Elle va être diffusée en août. Bien sûr. Dans un an, quoi. Voilà. Mais c'est pour les gens du mois d'août qui sachent déjà que tout se passe bien cet été. Magnifique, tout va bien pour toi. Tout à fait, tout va bien. Il y a ces Paris-Plages qui viennent de se terminer. Une boîte de Doliprane pour la douche. Bon, alors René Marc, on va parler de candidateur, bien sûr, rappeler ce que c'est, mais avant, tu nous annonces deux invités qui t'accompagnent. Bien sûr. Je suis tombé amoureux, nous sommes tombés amoureux, toute l'équipe, on va commencer par la femme. Évidemment, galanterie. Putain, non. Sommes tombés amoureux, toute l'équipe, depuis quelques mois, d'une jeune révélation d'à peine 22, 23 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Qui a un talent fou et qui s'appelle Clara Lefort. Oh, bonsoir Clara. C'est pas une chanson, ça. Si. Bonsoir Clara. Bonsoir. Qu'on entende bien ta voix, Clara, quand même. Oui. On voit quand même que tu t'es éloignée le plus possible de Bob du club. On avait dû te prévenir. Oui, j'ai eu des échos. T'inquiète pas, Clara, les deux en face, tu crains rien. Il y en a un qui s'intéresse pas et l'autre qui peut plus. Ah oui. Alors, Clara, bien sûr, on va découvrir son talent dans l'émission. Oui. Et puis, alors, quelqu'un qu'on connaît. Oui, qui est déjà venu à malheureusement. On va se marrer, malheureusement. Qui a pris du galon. Qui a pris du galon, parce que ça fait un an qu'on travaille ensemble sur Candidator, et je trouvais un petit peu logique pour cette saison 5 de lui laisser ma place à l'animation. Donc il est le nouvel animateur de Candidator, et il s'appelle Waco. Ah, salut Waco. Salut tout le monde, salut. Ça, c'est de la promotion. Hein. Il nous vient du Texas. Mais d'ailleurs, je dois un petit message spécial dédicace pour l'émission parce que j'ai fait mon premier texte ici l'année dernière pour la première fois de ma vie. Vrai. Et c'est un peu grâce à vous que à cause ça se passe. Hein. Merci beaucoup. Grâce ou à cause. Alors, on va rappeler quand même au cas où pour les auditeurs qui brancheraient l'émission pour la première fois aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Candidator? Alors, à la base, Candidator était une scène ouverte à tout le monde, tous les talents. C'est toujours le cas, mais avant, on pouvait s'inscrire au café juste 2 heures avant. Mais maintenant, il faut téléphoner. Il y a un entretien téléphonique et tout, parce que nous sommes devenus... Il y a plus de 1000 artistes, toutes catégories confondues, qui sont passés en 5 ans un petit peu partout dans la France. Nous sommes devenus un concours national de découverte de talents, où les professionnels viennent régulièrement faire leur marché avec une finale, machin, etc. Et le but, c'est de lancer des talents dans le milieu du spectacle, tout style confondu. Voilà, ça a lieu une fois par semaine à Paris au Théâtre des Feux de la Rampe, une fois par mois à Lyon au Théâtre du Rideau Rouge et un petit peu dans toute la France en soirée. Oui, on vous a vu partout. On vous a vu à Marseille, concours, à Versailles. À Versailles, concours national. Donc, il faut bien qu'on se promène un petit peu partout pour aller chercher les talents. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est l'actualité Candidator. Ouais. J'ai vu également, parce que vous avez une page Facebook très, très dynamique sur Candidator. Parce que on a créé notre chaîne YouTube où on peut voir les extraits De Waco. De Waco, les meilleurs sketchs des gagnants, les professionnels invités, les interviews, parce qu'on a quand même des gens célèbres qui viennent nous rejoindre. Et puis, c'est pour montrer l'animation. Puis, c'est quand même le seul endroit de France où on a des pantoufles. Le public a des pantoufles. Quand il aime pas, il envoie les pantoufles sur scène. Donc, on s'est quand même fait connaître par une ambiance un petit peu particulière. Oui. Un radio-crochet destroy. C'est ça. Ouais. Mais une ambiance super sympa. Ouais, où on rigole. En fait, le dimanche soir, pendant 2 heures, on pense plus à rien, on se marre. Et effectivement, on balance de temps en temps des pantoufles, mais pas souvent. Oui, alors depuis que Waco est à l'animation, je pense que la pantoufle revient de plus en plus à la mode. Je m'en prends souvent. Oui, c'est toi qui les prends. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est chaud. Là, depuis que Waco a commencé, c'est chaud, pas à cause de lui, mais je sais pas, la programmation, l'ambiance, puis peut-être parce que les gens le savent maintenant, ils ont. Oui, enfin, René Marc, je t'ai quand même vu commencer quelques animations en traitant le public d'enculé quand même. Ah bon? Ah, moi, j'ai vu qu'il avait même un t-shirt. on m'a fait un t-shirt bande d'enculés, ouais. Mais c'est ce que je disais dimanche dernier. Waco, il a fait monter sa sœur sur scène pour une impro, une battle. Ah. Il a traité sa sœur de pute. Tout le monde était mort de rire. Ah ouais. Et moi, quand je disais bande d'enculés au public, tout le monde me rentrait dedans. Bah ouais, non, mais vraiment, c'est inadmissible. Tu me présentes quand ta sœur? C'est vraiment une pute. C'est combien? Eh ben, va être contente, c'est l'écoute. Alors, je voulais simplement dire, oui, puisqu'on parle de Candidator, j'ai vu qu'il y avait une nouveauté cette année avec de la possibilité d'une formation en fait. Mais oui, parce que comme ce concours national c'est vraiment quelque chose de sérieux et d'officiel et que les plus grands producteurs, les plus grands directeurs de festivals et de salles viennent nous rejoindre, il est logique qu'on puisse donner la possibilité pendant toute une saison aux artistes de travailler. Donc nous avons créé les ateliers de Candidator tous les samedis matin, qui sont des cours privés qui permettent aux artistes de travailler leur sketch, de construire leur spectacle. Nous sommes associés à 5-6 salles à Lyon et à Paris pour pouvoir les programmer. Le but, c'est quand ils ont été sélectionnés par le public, parce que le public vote pour être sélectionné, qu'ils travaillent jusqu'à se retrouver devant les professionnels. La chance de ces ateliers, c'est que tous nos professionnels viennent et qu'on fait des masterclass avec Olivier Debenois, Gérald Daran, Chantal Latsou et Claude Fournier et tous les gens qui viennent nous rejoindre. Ah bah, et la prochaine étape, c'est la livraison de sushis, non? Ouais. le midi, ouais. Parce que ça devient multinational, Candidator. C'est Chantal Latsou qui dit que je suis devenu une multinationale. Une holding. Il dit ça y est, toi, t'es holding. Allez, on démarre. Mais attention, tout reste très convivial. C'est pas, tout est dans l'humain à Candidator. Nous ne sommes pas dans le système. Quoi. C'est l'esprit Candidator. S'arrête. Tout est dans l'humain, tout est contre un système. Même si le système vient à nous, nous restons en parallèle d'un système. Bon, alors on va parler bien sûr de Candidator toute la soirée. On aura sur les planches tout à l'heure Clara pour un extrait, bien sûr, du spectacle. On verra si Waco nous a préparé une surprise ou pas. Mais comme chaque semaine, vous le savez, dans cette émission, il y a des tournées de blagues, il y a des questions, il y a des épreuves. Cette émission est une épreuve. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Alors, je le fais pour nos amis qui nous écoutent en Allemagne. Zwei Equipen. On nous écoute en Allemagne ? Ben oui, maintenant, on les écoute aussi en Allemagne. Je refuse de par mes origines qu'on m'écoute en Allemagne. Ah ben oui, mais bon, alors on est obligé par contre de faire une partie de l'émission traduite. Et moi, j'ai des origines allemandes, alors s'il vous plaît, on fait pas, on se tait. Donc, deux équipes. Maurice aussi. Deux équipes. Oh, et ça commence, Maurice. Non, Maurice avait un amant allemand. Ah oui, c'est pas pareil. Ah, c'est pas la même chose. Il a été tondu à la Révolution. C'est pas pareil. Alors, il nous faut deux noms pour les équipes, pour que les auditeurs puissent suivre ce qui se passe. Oui, mais on a un nombre impair. Je précise, l'équipe numéro 1 sera composée de Frédéric, René Marc, Clara, et l'équipe numéro 2 de Bob, Maurice, Waco et Aymeric de Guy. Je préfère laisser Aymeric de ce côté. Je suis avec Sting. Toi, Clara. Sting, ouais, private joke, hein, bref. Clara, tu m'entends? Un petit nom. Un petit nom pour l'équipe. C'est Fred. À nous de trouver l'équipe. Oui, tiens, Clara, trouve-leur un nom. Les petites. Ah, voilà. Ah, les petites. Putain. Et voilà. Allez, bon, merci, Waco. Qu'est-ce qui se passe, Waco? Tu connais bien Waco, donc. Allez, il y en a une petite. Bon, alors les petites. Alors les petites, vous avez une idée pour l'équipe de Fred Alors pas les grosses. les bonnets M. Les bonnets M. Ah bah c'est pas Clara. Hein, ce... ah, bah. ah bah ils se connaissent bien alors. Ils hein. ont, ouais. Je trouve ils ça cool, daddy cool. Bon alors voici la première question les pour M, les bonnets M face aux petites. Alors que c'est du bonnet E. Z Z. Pourquoi dit-on, c'est une légende, mais on oui. le dit, que les lapins mangent des carottes. Parce qu'ils ne peuvent pas se les mettre dans le cul. À cause de Buzz Bunny. C'est Buzz Bunny qui a lancé ça. Oui, c'est une bonne réponse de Bob. Je ne pensais pas que ça allait être trop mal. Ah bon? Oui. Parce que les lapins, en fait, ils aiment pas tellement ça, les non. carottes. C'est vrai. Mais oui. Alors, ils les mangent si on leur donne deux, trois carottes, enfin, deux, trois petits goûts. S'ils ont que ça à bouffer. Voilà. J'adore ça de bouffer. Voilà, ils mais mangent. Sinon, non, ils aiment la luzerne, ils aiment les... Ah bon oui, tu oui. sais qu'à la base, la carotte, la salade. De, la oui. carotte de Bugs Bunny, c'était une idée de Tex Avery qui venait du cigare de Groucho Marx. Ah oui. C'est comme ça que Tex Avery a eu l'idée de créer le lapin avec, avec la carotte. Bugs Bunny. C'est un hommage à Groucho Marx et son cigare. Eh ben, tu vois, bah, hey, c'est une émission culturelle, on en apprend mais quand oui, même. Hein, oui. ouais, quand mais même. Oui. Bon, allez, dans quelques instants, ça sera la première tournée de blagues. Vous faites chauffer les blagues. On revient avec toute l'équipe de Candidator. Oui Retour, on va se marrer avec Clara Lefort, Wacko, René Marc, Gage, ouais Candidator. Encore lui, encore lui, oui, bravo, oui. Encore lui, bravo. Ah bah écoutez quand même, alors René Marc nous amène oui. aujourd'hui Clara Lefort, oui, Clara charmante Lefort. Demoiselle. Bravo qui est là. Bah oui, ah oui, oui, Clara. Alors Clara, Candidator c'est depuis quand? C'est même plus... C'est depuis ce soir. Depuis... mai dernier. Bah, le premier. Oui, elle a été directement oui, sélectionnée. Elle t'a dit mai dernier. Ah oui, oui. Attends, elle est arrivée pile. On commençait le concours oui. national. Elle est arrivée. Elle a été sélectionnée aux demi-finales. Donc c'était quand? C'était là à la rentrée. Au mois de mai. Au mois de mai dernier, elle t'a dit. D'accord. Ouais. Je n'entendais pas. Excusez-moi. Au mois de mai. Voilà. Donc premier sketch. Pas beau, et t'es arrivé à Candidator par hasard ou t'avais déjà fait plein de scènes ouvertes des... Non, j'avais fait deux scènes ouvertes avant. Oui. Et je suis arrivée par hasard. J'avais vu ça sur internet. Et voilà. Et après, bon, le grand succès, quoi. Ah oui. Et le sketch. Alors, et alors, tu te rappelles, fait est-ce que vite. Tu te rappelles du sketch que tu as fait ce soir-là? Oui. Ah oui. Ah, oui. Oui J'en ai fait deux. J'en ai fait un sur mon père, enfin sur le complexe, sur Oedipe. Le Oedipe. Et un sur la sœur de Wacko. Et un. Après, sur moi. Et sur un moi. Sur un charmant brésilien. Voilà. Ah ouais. Ouais. Sur moi. Voilà. Et donc après, coup de foudre avec René Marc. Voilà. Avec l'équipe. Enfin oui, mais enfin bon, on s'entend. Non, non, mais parce qu'elle est trop vieille pour René Marc. Oh non, le salaud. Ça, ça recommence, c'est pas possible. On l'avait encore jamais fait ça. D'habitude, c'est les petits garçons. Ouais, et là, c'est les petits garçons. Bah attends, l'émission n'est pas finie. Les petits garçons aussi. Et donc depuis, il y a eu donc plusieurs passages, j'imagine. Oui. Oui, bah, oui. Merci Clara. Très bien. J'adore son rire. Tu lui poses une question, elle répond. Donc, tu écris tes sketchs. Oui. J'écris mes sketchs. Tu te mets en scène. Non, c'est une fille qui s'appelle Alice Roudion qui me met en scène. D'accord. Ah, Alice Roudion. Ouais. Bravo, bravo, mais bravo. Et alors, tes inspirations, parce que tu parlais du complexe d'Oedipe, etc. C'est, ça tourne tout autour de ta famille ou c'est vraiment très large? Ouais, non, c'est tout autour de moi, quoi. D'accord. C'est moi, ah. moi. Il y a un sketch sur le géorgien parce que t'as des origines géorgiennes. Non, j'ai pas des ah bon pas ah d'origine bon géorgienne. Bah, sinon, dehors. Hein. Mais je fais un sketch sur la Géorgie, qui est un pays que j'aime beaucoup. D'accord. Qui est dans un tout petit pays. Mais... Okay, c'est un grand sketch. C'est un grand sketch. Et là, alors, t'en es où aujourd'hui? T'as écrit, t'as un spectacle entier ou t'es encore dans la phase d'écriture Je suis encore dans la phase d'écriture pour le spectacle ouais. d'une heure. Je voudrais que ça dure une heure. Là, j'ai déjà fait 30 minutes. Je refais 30 minutes. C'est un bon titre de spectacle. Je voudrais que ça dure une heure. Je refais 30 minutes avec Wacko le 20 et donc oui, voilà. Mais ça donc... durera pas une heure. Ah. 30 minutes. Ah donc. C'est compté. C'est quand un même, homme marié. Elle vient de faire un truc extraordinaire, Clara. Elle vient des États-Unis où elle est allée faire les stand-up comédies sur place ouais. à New York là-bas. Ah bon? Ouais. Mais en français ou en anglais? En anglais. Ouais. C'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. Super. T'as vu le respect qui s'installe. Ah non, là, là, on est scié. Non, d'habitude, il nous dit, elle rentre tout juste de Charleville-Mézières ou du bled de Maurice. C'était quoi le bled de ton bled où tu nous avais quelqu'un qui connaissait ton bled? Autun. Autun. Dans le micro. Autun. Tu connaissais Autun, tout le monde a été scié. Ouais. On s'est dit, mais comment d'ailleurs, il peut... on va faire un candidateur à Autun au mois de mars. Bah Maurice, note-le. Voilà, au théâtre municipal. Voilà, on viendra. Ouais. Et alors, donc, tu dis que tu fais une demi-heure avec Waco, c'était où? Au Quibélé, à Strasbourg-Saint-Denis. Et je pense que ça va être très bien. Ça va être même exceptionnel. Donne le nom de la rue. Donne le nom de la rue. Le nom, 12 rue de l'Échiquier. Voilà. Ah bah Maurice est en train de noter, la promo sera faite toute la soirée. Ah, merci Maurice. Donc, Facebook. Attends, non, dis pas merci tout de suite. Sur Facebook. Attends un peu, pour leur remercier. Sur Facebook, j'ai un nom un peu long. Je m'appelle Clara Lefortadze. Ah, il va falloir que tu fasses plus court, hein, parce voilà. que ça sera pour la promo, ça va être compliqué. C'est pas très comme, ouais. Le Quibélé a fait des travaux, il est devenu un petit théâtre magnifique, ah ouais un endroit super tendance. D'accord. Et on y programme maintenant 5 spectacles par semaine. Ah oui, carrément. Toute l'année, ouais. Bon, bah super. C'est devenu un petit peu la succursale de candidats. Et le nom du spectacle? Le nom, il n'y a pas de nom, sans nom. On mange c'est toujours. Il faudrait que ça dure une heure. Pardon? C'est No Name. No Name. On mange toujours au premier, au Quibélé? Oui, oui, oui. Ah non. Oui, oui. Mais bon. C'est beau, tu verrais, c'est magnifique. Alors maintenant, bien sûr, tout à l'heure, on va te solliciter pour un petit extrait, mais maintenant, ça va être la première tournée de blagues. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Et on commence par une mignonne d'Emeric Deguy. Ouais, bah, je me suis pas trop foulé, je me la suis joué un peu chômeur longue durée. Une devinette, à quoi ressemblent deux Portugaises exécutant un 69? Oh là, je m'attends à tout. À une migale. Oh non! Mais non, mais. Oh, non. Elle est poilante! Non, on applaudit pas. Je suis portugais, Emeric. T'es à côté de moi. T'as bien une barbe. Clara, elle a bien une barbe aussi. Mais... Bah ouais, je vois des barbus partout. T'es portugais ou c'est bien? Non, je suis un bâtard. Bon, alors, Emeric, Waco, une petite blague. Ok. Un mec sort de sa salle de bain et arrive devant sa femme en bandant comme un taureau. En le voyant, sa femme lui dit: pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête. Le mec répond: pas de problème, j'ai mis de l'aspirine sur ma bite. Tu la veux en cachet ou en suppositoire? Non, mais René Marc, t'exagères quand même. Non, c'est pas possible. Drôle, non, ouais. Tu pourrais leur écrire. Vous êtes diffusé dans quel pays déjà? Oui, en Allemagne. Oui. Ça, c'est pas de l'humour allemand, ça. Oui. À cause de moi, l'Algérie, c'est fini. Hein. L'Algérie, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Non, je trouve ça. On n'a pas le droit de faire des blagues. Heureusement que Maurice est là pour sauver la situation. La blague de Maurice vous est présentée par la maison de retraite des Trois Poussins. Maison de retraite des Trois Poussins, la maison où on finit bien. Et pas les pieds en avant, surtout. Pierre-Antoine et Josiane rentrent de leur travail. Ah. Leurs deux filles les attendent au salon. Ah. La première fille dit à son père: « Je suis lesbienne. Oh. » Sa sœur dit: « Ah, moi aussi. Oh. » Le père demande: « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les hommes dans cette maison ?» Le fils arrive et répond: « Si, moi. » Alors... Maurice, elle est pas mal. Attention. Elle est pas mal. Oui. Non, elle est bien. L'histoire est bien. Ah, ouais. Mais c'est pas comme ça qu'il faut la raconter. Oui, non, mais... Fais-le en allemand. Non. Normalement, le père dit: mais putain, bordel de merde, y a personne qui aime la bite dans cette maison. Et là, le fils arrive et: six mois. Là, c'est drôle. Et là, on rit. Là, on rit. Voilà. Bah, tu la feras comme ça la prochaine fois. Oui, bien sûr. Mais ça m'étonnait aussi que Fred allait dire quelque chose. Oh, le mot bite n'arrive pas à sortir de sa bouche, mais le mot seulement. Bah, bon, allez. Laissez Bob faire sa petite blague avec son sponsor. La blague de Bob vous est présentée par les ciseaux coupe-tout. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. Merci, c'est agréable. Alors, ça se passe au prétoire. Il y a l'avocat, le témoin. Alors, l'avocat: donc, la date de la conception du bébé, c'est le 8 août. Oui, l'avocat: mais que faisiez-vous à ce moment-là? Bah, je baisais, hein. Elle est drôle, hein, hein. Non, elle est pas drôle. Ça dégénère grave. Ouais. Ça dégénère grave. Ouais. Je crois que le sponsor vient de rajouter 10 000 euros. Alors, c'est une jeune femme qui se plaint à une copine qu'à chaque fois qu'elle met son linge à sécher dehors, il pleut et le linge ne sèche pas bien. Ah. Alors, son ami lui dit, bah, écoute, t'inquiète pas, j'ai un truc. Hein? Oui. Moi, lorsque je me réveille le matin, oui, ben, je regarde la queue de mon homme. Ah bon? Oui. Si elle penche à gauche, c'est qu'il va faire beau. Et dans ces cas-là, je vais étendre ma lessive dehors. Ah, oui. Par contre, si elle penche à droite, et ben là, c'est qu'un mauvais temps. Ah. Dans ces cas-là, j'étends ma lessive à l'intérieur. C'est infaillible, je te garantis. Ah oui, mais si la queue de ton mari, elle pointe en l'air. Oh ben ce jour-là, j'ai pas le temps de faire la lessive. Hein. Ça ne s'arrange pas. Non. Ça ne s'arrange pas. C'est notre dernière émission, Waco. Viens, on s'en va. Où est-ce que tu non, viens, on s'en va. Toi, je me casse. Et tu nous laisses la rage. Oui. Sympa, merci. Bon, attendez. Le temps qu'on mette un petit peu de cachet dans les verres de René Marc pour que la blague soit plus efficace, on met une très très courte pause et la suite de la tournée de blagues juste après. Très très courte, mais regardez, ne bougez pas, on revient. Très bien. Retour dans Basse-Marée avec l'équipe de candidats. Candidateur, Maurice, candidateur, on les retrouve. Ça, c'est tous les dimanches soirs. Oui. Au théâtre Les Feux de la Rampe. Oui. Et c'est tout. Et dans le 9e arrondissement. À Paris. À Paris, dans le 9e. Mais ils sont pas qu'à Paris maintenant. Ah, ils sont dans toute la France maintenant. Ça. Ils ont fait Exemple. À Lyon, Marseille, ils ont même fait des petits un peu partout. Ah. Même à Autun, ils ont fait des petits. C'est bon, tu vois. Tu vois, bah, c'est bien. Hein. Bon, allez. Puisqu'on n'a pas fini, voici la suite de notre tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Maurice, excuse-moi. Non, Frédéric, excuse-moi. Non, mais vas-y. Bon, on peut les confondre. Hein. Non, oui. Ils ont la même voix ce soir. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah bah, une petite blague. Ah, pardon. Alors c'est un Belge qui est condamné à mort. Alors il arrive sur le billot et avant que la guillotine tombe, le bourreau lui dit est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Et le Belge dit non, pas pour l'instant. Bon. Une petite blague de René Marc Gage. Alors c'est un nain qui vient voir un grand directeur de cirque. Et qui lui dit, monsieur, j'ai un numéro exceptionnel qu'il faut que vous veniez voir parce que ce numéro, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dans votre cirque en tournée. Et le directeur du cirque, genre monsieur Bouglione, tu vois, lui dit, c'est quoi votre numéro? Et il dit, écoutez, je suis dans un canon, on tire le canon. Quand le canon part, je me retrouve directement au trapèze, dans l'air du chapiteau, là, tout en haut. Et puis là, je fais un triple saut périlleux à partir du trapèze et j'atterris sur un trampolino directement au milieu de la piste. Là, je pars directement, je fais un triple saut périlleux, je fais 3 tours de piste et j'arrive et je salue le public. Tout ça à partir du canon, oui. Ah, numéro exceptionnel, très bien, je viendrai vous voir. Et effectivement, cette espèce de monsieur Bouglignol vient 3 semaines après voir le spectacle, et le nain se met dans le canon, et le canon tire, et PAH ! Le nain traverse le chapiteau et va 3 kilomètres plus loin s'étaler dans une espèce de marché à la con et se retrouve directement à l'hôpital. Donc, très emmerdé, le directeur, il apprend à l'hôpital que le nain est dans le coma. Ça dure des semaines et des semaines. Et puis finalement, au bout de 3 mois, on l'appelle, on lui dit, écoutez, monsieur, espèce de bouglione, il y a un nain qui sort du coma et qui veut vous voir. Oh, il dit, c'est lui, c'est cet artiste que je suis venu voir et à qui il est arrivé ce malheur. Il se pointe au cirque et puis il arrive dans la salle et puis il voit l'autre sous les bandages, etc. Le nain, comme ça, qui le regarde et puis qui lui fait... Tada ! Non, elle est pas mal. Elle est pas sale. Elle est pas sale. Je l'ai fait exprès parce qu'il n'y a pas de bite. Il y a pas rien. Rien. Là, ouais, le nain est nickel. Il paraît que les nains ont des grosses bites quand même. Ouais, voilà. Alors, Clara. Le Alors, moi, je vais faire une blague que j'ai trouvée là dans ce livre. Mais je vais la traduire en langage. En géorgien. De maintenant. Non, en langage de maintenant. Hein, parce que ça commence par un type très radin rentre chez lui. Donc un crevard. Oui. avec sa note d'électricité avant de sermonner sa femme. Donc avant d'embrouiller sa femme, oui, sur son gaspillage. Et là il dit: chérie, enfile ton manteau s'il te plaît. Oui. Là enfile ton manteau. Connasse. c'est pas cochon ça. La fille, elle lui dit: volontiers mon chéri, où va-t-on? Et il dit: nulle part, j'éteins le chauffage. Oh putain. Comme quoi, Philippe, oui, l'art est dans la manière, oui, de raconter une, alors, histoire. Oui. La vie est mal faite, parce que moi, quand je raconte ce genre d'histoire, personne rigole. Je le redis, l'art est dans la manière de raconter. Ah, tu crois, oui, que c'est, oui, ça, oui, alors. Mais regardez, quelqu'un qui raconte très bien les blagues, c'est quand même Maurice qui est avec nous aujourd'hui. Ah, c'est, oui, lui la vedette de l'émission. Qui reçoit chaque semaine de nombreuses blagues, on les imprime dans sa boîte e-mail, maurice@onvasemarrer.com. Vous lui envoyez, d'ailleurs, vous avez une petite réponse quand vous lui envoyez une blague. Et là, alors, qu'est-ce que tu as reçu, Maurice? Alors, c'est de Marseille. Oui. De Nelly. Ah, de Nelly. Ah, je crois qu'elle t'en a déjà envoyé une, il me semble. je dis rien. Ah. Oui. Parce que d'habitude, tu les traites de salopes. Non, ah non, non, ah mais non, celle-là, non, peut-être, je ne sais pas. Ah non, non, non, non. C'est non, quoi la blague? Alors, vas-y, fais la blague. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a mis en bas? Ouais. Ça se passe sur le vieux port. Ah, à Marseille, donc. Oui. Oui. Bien sûr, elle est de Marseille. Oui, allez, allez, allez. Dans un restaurant, un type demande à la serveuse: oui. Dans votre bouillabaisse, il y a du congre? Ah oui, oui. Elle lui répond: oui. Mais non. J'ai pas compris. Elle lui répond: ouigre. Ouigre. Ah, et... Alors bon, je recommence. Oui, voilà, on coupera. Oui. Nelly de Marseille. Oui. Ça se passe sur le vieux port à Marseille. Excuse-moi, Maurice, excuse-moi, je t'interromps. Tu dis à Philippe, on coupera. Tu as déjà réécouté l'émission? tu sais qu'il ne coupe jamais. Non, rien. Ah non, rien. Je sais. Surtout ça. Ah. Ça, on le coupera. Oui, ça. Dans un restaurant, un type demande à la serveuse: oui. Dans votre bouillabaisse, il y a du congre? Ah. Elle lui répond: oui, grong. Non! Oh, oui, oh non! Mais non, pas Ouigron! Ouigre! Ouigre! Voilà, alors vas-y. Alors, cher René Marc. Oui. Ah, cher Clara. Vas-y. Ah, Clara. Ah, il préfère. Il préfère Clara. Ah, oui. Je te remercie. C'est étonnant, t'es malade? Et les autres aussi. Ça se passe sur le vieux port. Ah, dans, oui, un restaurant du... Dans un restaurant. Ah. Monsieur le vieux port, t'as pas dit. Un type demande à la serveuse: dans votre bouillabaisse, il y a du gon. Du oh gon, non! Du gon. Du gon. Oh non! Est-ce que tu sais ce que c'est? Philippe, oui, est complètement congre, cette histoire. Non. Tu sais ce que c'est que le congre? Mais laissez-le finir. C'est un poisson. Ah, ah. Mais il est comment? Ah, ben non! Je sais pas, je m'en fous. Mais pourquoi tu dis pas de l'anguille? Mais anguille! Mais non, ça va plus. Elle lui répond: oui. Oui, avec un anguille, ça va bien aller. Alors, mon cher René Marc. Mon cher Waco. Il se rebelle. Regarde, il est colère. Ça présage rien de bien. De Nélise de Marseille. Ça se passe sur le vieux port. Oui. Dans un restaurant, un type demande à la serveuse: oui. Dans votre bouillabaisse, il y a du congre? Mmh. Oui. Elle lui répond: oui, gros. Ah, oh, oui, alors là, oui. Alors là, oui. Là, c'est normal que je comprenne pas la blague. Oui. Il y a du congre, ouigre. Ouigre. Il y a, ouais, du con, oui. Ah, oui. Oh. Excusez-moi, ah. j'ai applaudi en retard. Entre temps, j'avais reçu un SMS. Tu vois, Bob. Tu vois, Bob. Elle aurait pu dire nongre. Oui. Nongre, oui. Tu vois, Bob. Elle peut dire nongre. Tu aurais aussi raconté cette histoire. Nous n'aurions pas ri. Bon, est-ce que tu penses sincèrement, hein, René Marc, que Maurice pourrait s'inscrire le samedi matin pour avoir un peu d'entraînement à Candidator? Je suis pris le samedi pour mon... Oui, oui, ça me ferait plaisir de faire travailler Maurice. Ah oui, beaucoup, oui, il peut très bien faire l'entraîneuse. Enfin bon, il y a du boulot quand même. Non, je trouve qu'il y a, une personnalité intéressante et puis qu'on n'est jamais la moitié d'un congre. Migre. Merci. Parce que qui vient en fait ce sont des habitués de candidats ou vraiment c'est ouvert à tout le monde? Non, c'est ouvert à tout le monde. On a même des gens en entreprise qui de par leur travail, veulent prendre la parole en public parce que leur métier l'exige et qui ont un problème de diction ou de timidité. Et puis, on fait du développement personnel aussi. Donc, non, c'est toute personne. Bon, évidemment qu'il y a un gros pourcentage d'artistes. Mais, et puis il y a tous les âges, et puis il y a même des gens qui font du slam, des gens qui font de la chanson, tout est varié. Il y a parmi nos coachs Isabelle Laillé qui dirige la section talent et découverte et spectacle vivant de France Télévisions, qui elle-même est chanteuse et coach de chant. D'accord. Il vient nous rejoindre aussi, donc alors comment on fait pour rejoindre, pour avoir des renseignements Sur Facebook, sur la page candidateur, il y a les renseignements assez régulièrement, on tape un candidateur, sur notre site aussi. Le site candidateur.fr. Et puis sinon, sur le 06 13 45 69 94, c'est le numéro de candidateur. On peut appeler régulièrement, quoi. Ok. Alors, on sait tout. Bon, allez, dans quelques instants, on va entamer la première épreuve. Hein, donc, il va falloir marquer des points. Tu vas chanter? Non, ça sera le trivial. Les questions du trivial. Avec le joker. Mais Clara est d'une intelligence suprême. On va voir ça. C'est bien. Courte pause, on revient avec Clara, Waco et René Marc pour la suite de On va se marrer, candidateur. Retour d'On va se marrer avec René Marc Guedj. Alors, cher René Marc, toujours un plaisir de te recevoir. Quel salaud! Mais c'est moi, quel salaud! René, tu m'en sers un? Quel salopard, ce délire! Non, on va tout vous dire. Non, c'est vrai que tu tournais là. Il y a René Marc, juste au moment où on est à l'antenne, je lui dis: si, t'es bon, t'as le temps d'aller te servir un verre au bar, il se casse tranquille, et voilà. Non, je voulais parler avec Waco, parce que donc, quand même, une promotion cette année, donc animateur de candidateur. Il a couché, hein. Ben j'imagine. J'ai sucé, Mais dis-moi, mais alors, quelle différence y a-t-il entre l'animation Waco et l'animation René Marc Guedj? Alors déjà, il y a de l'âge, de différence. Oui. Des siècles même, je dirais. Puis voilà, j'ai un côté battle, j'aime provoquer les artistes. Voilà, c'est ça ma touche en fait, c'est tout simplement. Un côté Jones, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais René Marc est toujours dans la salle, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr, c'est le big boss. Je l'appelle le big boss. Il y a des punchlines et il y a un duo qui s'est mis en place, ouais. Mais d'accord. Je reste dans la salle, dans le carré VIP avec les professionnels. D'accord. Et quand il me tend les perches, j'y vais, quoi. Okay. Il me laisse la parole pour présenter les professionnels et tout, mais j'aime bien le rôle. Le rôle de l'ombre, comme ça. Mmh. Candidateur, ça a commencé dans la salle de 70 places. Ouais. Vous êtes passé après la salle de 100 places. Ouais. À force de changer, vous en êtes au zénith, là, non? Non. On nous a proposé la salle de 300 parce qu'on a eu l'occasion de la remplir quelques fois l'année dernière. Mais j'ai préféré rester dans la salle de 120. Je trouve qu'il est plus intelligent de refuser du monde, parce qu'on est plein tous les dimanches, c'est vrai, que de chercher à faire grand tout de suite. Voilà. Non, puis c'est sympa, en plus, la salle est sympa. Ouais, c'est vraiment les salles du théâtre des Feux de la Rampe sont vraiment toutes sympas. C'est des salles vraiment sympas. Oui, puis je sais pas, c'est avec le Café Folies en face, c'est devenu un rendez-vous convivial. Tout Paris vient nous rejoindre après, même les autres scènes ouvertes autour de chez nous. Ouais. Non, je sais pas, c'est devenu un rendez-vous le dimanche soir. Ça, très franchement, j'ai laissé Waco un petit peu devant pour respirer. Mais je suis incapable de ne pas être là. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça me manque. Tu pourrais pas être là, hein, c'est pas possible. Peut-être un dimanche, je vais partir un petit peu en week-end avec ma chérie, tu vois, parce que je ne suis pas homosexuel. Hein. Ah, bon. Ah oui. Je tiens à rectifier les choses. Mais surtout ton mec nous l'avait dit. Contrairement à la plupart des types. Mais franchement, je crois que pour tout le monde, il y a une addiction. C'est d'ailleurs notre com cette année. Il y a une addiction sur candidateur. On a du mal à ne pas faire ces dimanches-là. Il se passe toujours des trucs incroyables, quoi. Tu nous diras un petit mot aussi de ce que tu vis avec ton conjoint Richard Hervé? Oui, ma pièce de théâtre que nous jouons, ouais. Tu veux dire sa copine? Oui, c'est vrai. Oui. Alors tout à l'heure, tu nous en parles parce que là, comme chaque semaine, je tire au hasard. Il y a des années qu'il tire au hasard. Deux cartes dans le boîtier du trivial. Alors là, tu vois, Bob, j'appelle ça un bide. Merci. Oui, mais vraiment, bon, alors, je redis pour les gens qui n'ont pas entendu, comme chaque semaine, je tire au hasard. Ça fait des années que tu tires au hasard. Ça a beau être un bide, et en plus il a un bide. Hein. Voilà. Merci. Non, il n'a pas un bide, il a du bide. Deux cartes. Une carte par équipe, 6 questions par carte. Le but du jeu étant de marquer un maximum de points en répondant à un maximum de questions. Ce sera notre cas, nous avons Clara. Voilà. Quand vous connaissez, alors vous avez le droit à chaque fois de vous consulter, mais quand vous connaissez la réponse sans vous consulter, dans ces cas-là, il faut dire cache et donner la réponse. Ouais. La bonne, c'est la bonne. Et ça fait donner 2 points à l'équipe. Ouais. Ah. Mais il faut dire cache. Voilà. Si vous ne savez pas répondre, l'équipe adverse peut répondre à votre place. Et donc, il y a maintenant dans cette émission un joker téléphone pour chaque équipe. Ah oui, c'est vrai. Nous pouvons, mais si vous le souhaitez, si vous ne savez pas répondre, appeler en direct un de vos amis qui peut donner la réponse et vous faire marquer 2 points. Yes. Alors, je fais toujours choisir Bob parce que sinon, après, il conteste que c'est truqué, que ceci, cela. La carte numéro 1 ou la 2 ? Yako ? Attends, mais moi, j'ai pas ou deux. Waco. Waco. La 2. C'est celle-là. Voilà. Je la mets de côté. Tiens, oui. Je la mets là. Oui. Parce que vous êtes, comme vous avez le point, je commence par l'équipe qui est menée, c'est-à-dire l'équipe des Bonnet M, Clara, René Marc et Fred. Pourquoi dès qu'on appelle quelqu'un dans mon équipe, la personne n'est pas là? Oui. Elle est allée chercher son téléphone au cas où il faut appeler un ami. Ah oui. Ah, hein. Ah, oui. Tout est, si vous avez les téléphones, tout est prêt. C'est parti. En quelle année est mort Winston Churchill? 3 propositions. 1960, 1965, 1967. Winston Churchill. Ce qui est sûr, 60, c'est... 65, 67. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans les années 60. C'est long. Oui, ah, très bien. Excellente déduction. Bien. Un demi-point. Moi, je pense un peu comme toi, mais je... Qu'est-ce qu'il y a des... Moi, je dirais 60. Moi, je pense un peu 60 aussi. C'est 60, 60. 65, moi, 67. C'est le 65 et 67 rapprochés. Parce qu'il a, il a été 67, ministre... 67, ça fait vieux. Il a été ministre d'Elisabeth II, qui a été couronnée en 53. Ah. Et alors, il peut mourir en 60, hein. Oui. Mais moi j'aurais dit 65. Ah, 65 mais... alors. J'ai hésité entre 65. 60 et 65, moi, parce que le rapprochement 65-67, ça sent le piège. 60, on va dire 60. Ouais, on dit 60. On penche 60. On va se tenir à votre première idée. Oh. Et puis si c'était 65, je vous pourris. D'accord. 1960. 1960, non, ce n'est pas la bonne réponse. Oh. Bon. Donc il vous reste 65 ou 67. Ouais. Donc il n'a pas connu mai 68. Ah, ah non, forcément, oui. 65. Bonne réponse. Par le fait. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on 65. Fait 65. Pourquoi? Attends, attends. Je tente je veux sur bien 67. Qu'on dise 65. 67. Vous avez un argument pour dire 65? Bah, j'étais pas né, donc. Oui. Je suis de 78, c'est emmerdant. Voilà. Il y a que vous deux, les Muppets, là. Hein, qui... 67. Mais je vais dire comme Maurice. Ah bon, c'est-à-dire nous disons 65. 1965, ça fait un point. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Donc bravo, Maurice. Un commentaire de Frédéric Non, rien. Frédéric. Maintenant, ta gueule. Je te faisais confiance, Clara. Je suis profondément déçu. Mais oui. Non, mais j'aurais dit un des deux, quoi. Oui. Ouais, moi aussi, ah, ouais. Mais t'as dit ce qu'il fallait pas dire, connasse. Qui a écrit Le Mal américain? Était-ce Jacques Chaban? Non, Jacques. Ah, oh, c'est très drôle. Était-ce Jean-Jacques Servan-Schreiber? Comment tu dis? Jean-Jacques Servan-Schreiber. JJSS. Alain Perfitte ou Michel Croisière? Ou Croisier? Croisier. On y va, cash. Cash. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Eh bien non. Oh putain. Non, alors, les deux autres. C'est moi, alors, il nous reste ouais, Alain Perfitte ou Michel Croisier. Le mal américain. Est-ce que je peux regarder sur Internet? Non, non, on peut pas. Est-ce que je peux regarder sur Wikipédia? On brouille. Tout est brouillé. On vous brouille l'écoute. Je pense. Ouais, mais je sais pas, je sens. Je pense dernier, à... Le dernier Croisier. Ah non, l'autre. Perfitte. Pierrefitte. C'est mignon, Pierrefitte. C'est quoi le nom du livre? C'est le mal aimé. Le mal américain. Le mal aimé, c'est Clo-Clo. Le mal américain, Pierrefitte. C'est bien. Les Pierrefitte. C'est pas Pierrefitte, hein, c'est Perfitte. Perfitte. Perfitte. Alain Perfitte. C'est père et fils. Eh ben oui, c'était Michel Croisier. Ah, oui. J'ai le mal de cette émission. Mais oui. Perfitte, c'était quand la Chine s'éveillera. Tout à fait, mais il aurait pu faire l'autre aussi. Mais oui. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Comment? Attends, recommence. Quelle catastrophe. Maurice. A déclenché le Torrey Canyon. Allez, bon week-end tout le monde. Merci, ah, putain, bonsoir. Le Torrey Canyon, rappelez-moi ça, c'est un vieux souvenir d'enfance, le Torrey Canyon. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était le Torrey Canyon? Ah non, c'est dans Lucky Luke. Bah, on comprend même pas la question. Mais ouais, dans Lucky Luke, comment c'est cette bande dessinée où il y a le Torrey Canyon là avec les Indiens là, c'est Canyon Apache. Hein, Canyon Apache. Ouais, Canyon Apache. Mais tu devrais les aider. Ouais, bah, hein, t'es Sting. Dans notre... c'est alors ça veut dire, attends, ça veut dire que c'est un canyon, ça veut dire que c'est un tremblement de terre. Oui. C'est un tremblement de terre. Je sais pas, mais t'as la réponse. Bah, c'est logique. C'est votre réponse. On y va, vous me allez, suivez c'est moi je suis René Marc. Ah, c'est un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Pas du tout. Exactement. Mais non, c'en est un qui est venu chier sur nos côtes. Le Torrey Canyon, c'est un pétrolier. Oui, et donc donc c'est un incendie. Ah bah, incendie. Il s'est cassé en deux. Oui, alors quelle catastrophe il a-t-il déclenché. Eh ben, ses cuves se sont vidées. Ils sont venus se répandre. Une marée noire, il te dit. Une marée noire. Ah, oui, c'est ça que tu veux entendre. Ah, ben oui, c'est ça. Une marée noire. T'as qu'à dire une marée noire. Vas-y, je vous emmerde à faire des phrases de deux heures. Excusez-moi, j'arrête. Et je ne suis pas de mauvaise foi. J'arrête tout. Je veux qu'on coupe ce moment parce que là, je sens que je passe pour un con. Pourquoi? Parce que entre Lucky Luke et une marée noire, on est quand même à des luxes. Rien sera coupé. Et, mais non, non, là je passe vraiment pour. Non, je ne supporte pas ce moment. Non, mais c'est pour ça qu'on a rattrape-toi. Je te rassure. Oui. Pas plus que d'habitude. Rattrape-toi. Avec cette question. Là, il faut faire un cache. Un cache. Ah ouais. Quel personnage invincible. Jacques-Henri Georges Schreiber. Né en 1975. Pouvait transformer son poing en lance-roquette et sortir des... Casse Goldorak ouais. Deux points ouais. Voilà, mais ça c'était... Merci. Combien de cubes composait une face du Rubik's Cube? Ah la vache. Une face. Oui. 25. Non, attends. Non. Je crois que attends, attends. C'est 4 sur 4, je crois. 4, 5, 6, 16. 7, 8. Non. Non. 16, 4, 20. Une face, combien il y avait de cubes sur une face? Je crois que c'était 4 sur 4 ou 5 sur 4. 4 sur 4, 16. 4 sur 4, donc 16, tu dis 16. 4 x 4, 16. 4 x 4, 16. 16. Ouais. 16. 16. Oui. Non. Ah, 25 carrés par face. Par face. Mais non. C'est un gros Rubik's Cube. C'était 9. Quand tu regardes la face. Quoi, donc pourquoi 9? C'était 9. Il y avait 9 cubes sur une face. Quoi? Ah bah écoutez, c'est pas moi qui fais les c'est questions. C'est quoi cette question de merde? Ah, des cubes. Ouais. Et enfin, là vous aurez peut-être besoin de votre joker. Quel est le premier tennisman noir qui a remporté le tournoi de Wimbledon? Will Cash, Smith. Cash, Arthur H. Deux points, c'est une bonne réponse. Alors, je rends hommage à Frédéric Coster qui nous a sauvé la manche. Oui, non, parce que t'as pas été sur le pétrolier. Je t'emmerde. Oui. On est pas fort sur les marées noires, mais sur les tennismen noirs. Oui. Voilà. Bon, allez, René Marc, on met une courte pause, car juste après, on va solliciter notre petite Clara pour un extrait du spectacle. Car il est temps que le niveau remonte. Mais exactement. Allez, courte pause, on revient avec l'équipe de candidateurs. Ouais. Retour d'On va se marrer avec toute l'équipe de candidateurs, René Marc Gage, le grand Manitou, qui nous amène cette semaine une découverte candidateur, Clara Lefort, charmante demoiselle ici présente, qui a accepté exceptionnellement, en exclusivité pour vous, un nouveau sketch. On l'écoute? Ah oui. On la regarde. Voici pour vous Clara Lefort. Alors moi, en rentrant de vacances, il y a une fille assez connue qui s'est invitée chez moi. Ah. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour placer que je connais une célébrité, déjà. Mais alors, de qui s'agit-il? Eh bien, la fille connue rencontrée au mois de septembre, c'est... Suspense. Bon, la fille connue du mois de septembre s'appelle la dépression. Ah, tu la connais? C'est une copine? Ah. Une amie d'enfance. Bon, ben moi, je ne la connaissais pas, donc je l'ai rencontrée dans le cadre du mois de septembre. C'est-à-dire, je suis revenue de vacances, il a plu, paf, elle était là, c'est comme si j'étais jamais partie. Vraiment, elle m'a fatiguée. À faire des fêtes jusqu'à 4h du mat avec son pote cauchemar. Après, t'es obligé de récupérer, hein. Bon, moi j'ai toujours beaucoup dormi. Dynamique de gagnante. Mais faire une sieste à 15h, un mardi, socialement c'est inacceptable. Même mon chat, qui franchement juge pas les gens sur leur rythme de sommeil, il m'a regardé droit dans la pupille, il m'a dit « tu te respectes plus ». Mais bon, moi j'ai tout fait. J'ai essayé de la semer à la piscine, au rayon bien-être de la FNAC. Bon, alors, la piscine, faut se méfier. Premier coup dur en termes d'allure. On n'est pas tous égaux face au bonnet. Moi, avec un bonnet, franchement, on dirait un gros monsieur qui s'épile les sourcils. Deuxième coup dur, c'est pas parce que t'es venu à la piscine spécialement pour nager que tu peux aller dans la ligne où tu vois des gens nager. Moi, je suis rentrée naïvement dans la ligne du milieu avec ma planchette et mes flotteurs. Alors, selon certains nageurs, j'étais trop lente. Ouais, mais c'est le rythme planchette aussi. Hein. Alors, selon eux, je provoquais des embouteillages. Alors, c'est vrai que j'avais remarqué qu'on me faisait des queues de poisson. Mais se faire humilier par un homme qui porte le slip de bain, alors ça... Donc, on m'a demandé de changer de bassin, quoi. Donc, je suis allée dans le grand bassin, ce que moi, j'appellerais la ligne de la misère. Il y a de tout là-dedans. Hein. Du vieux hargneux, de l'enfant pisseur, de la grosse qui a un projet. Alors, le pire avec la grosse qui a un projet, c'est que c'est toi. En ce qui concerne le rayon bien-être de la FNAC, c'est pareil, faut se méfier. Hein, tu trouves des livres. Être heureux en 4 leçons, 9,99€. Imparfait, libre et heureux, 7,99€. Bon, bah, t'es obligé d'acheter. Hein, 8€ pour accéder au bonheur. Bon, bah, c'est pas le moment de faire le crevard. Mais méfie-toi, c'est des livres que tu pourras pas ranger dans ta bibliothèque. Il te faut les cacher. Sinon, imagine quand tu reçois. Ma bibliothèque, oui, j'ai eu des passages difficiles. Mais après, bon, ce qui est sympa avec dépression, c'est que t'achètes plein de trucs alors que t'en as pas besoin. Donc c'est bon pour le commerce. Hein ? En termes de marketing, merchandising, c'est bien vu, dépression. Donc je finirai sur cette note positive. La majorité des commerces, et j'ai des chiffres, monsieur, ne pourraient pas vivre sans les dépressifs. Bravo. Ah bah c'est un beau baptême. Ah ouais. C'est bien. Un beau baptême. Très bien, vraiment. Très sympa. Alors Maurice. Alors si vous voulez savoir la suite, c'est au théâtre Le Kibélé qui se trouve au 12 rue de l'Échiquier dans le 10e arrondissement, métro Bonne Nouvelle, et c'est le soir à 20h à partir du mois d'octobre. Merci Maurice. Merci Maurice. Et elle sera avec qui? Avec Waco. Avec Waco. Ah bah oui, alors. Mais Maurice. Merci Maurice. Bon, on te retrouve sur Facebook, tu l'as dit, mais faut que tu changes de pseudo parce que là, ça va être dur. Le hein. Fortadze, c'est un peu long. C'est un peu long, hein, ouais. Mais en attendant, elle revient régulièrement à Candidator, j'imagine, Clara. Bah, on vient de démarrer la saison, elle arrive des États-Unis, mais elle a intérêt à se pointer régulièrement. Bah, j'imagine. Parce que quand elle est là, les troisièmes mi-temps, c'est quelque chose. Bon, alors, c'est à propos de... Hey, troisième mi-temps, il y a la deuxième, René Marc. Ah, pardon. La deuxième carte, The Zwei carte. Et cette fois-ci, c'est les petites qui ont leur carte. Les petites, oui. Pour l'instant, je dois vous dire que vous êtes vraiment à cul serré. Hein. Ah oui. Bon Oui. Ouais, mais on a une carte... Alors, attention. Il y en a qui aimerait personne... se desserrer. Personne n'a utilisé son joker. C'est vrai. Non. Bob. C'est parti. Yes. Quel groupe d'artistes a choisi comme symbole pour sa maison de production une langue rouge? Quel type de... Attends, tu peux répéter ça? Quel groupe d'artistes? J'ai envie de dire Cash. Hein. Oui. Dis-le. Pour une fois que je connais un truc de vieux. Les Rolling Stones? Mais oui, deux points! Yeah. Et voilà! Je retire ce que j'ai dit sur ta sœur tout à l'heure. Pas moi. Ah bon. Quel est... T'as pas retiré là. Quel est le prénom de Swan, le héros Périssé. Du côté de chez Swan de Proust? Je sais pas lire, je... je n'aime pas tellement Dave, non, bon. Ça n'a rien à voir. Alors là, si vous ne savez pas, vous êtes un... quelqu'un qui est littéraire dans vos amis, non? C'est connu, hein, si quelqu'un a lu du côté de chez Swann de Proust... Essayez d'appeler ma femme, si vous voulez. Ouais. C'est quoi son petit nom à ta femme? Alors, elle s'appelle Sophie, Proust. mais Sophie. Non, elle s'appelle Sophie, mais... Swann. Mais son surnom, c'est Vagin, voilà. Ah. On n'osera pas, on l'appellera par son prénom normal. Enfin, c'est une femme, comme Dave. Voilà, bah non. tu vas voir qu'elle va nous lâcher un Proust. Bonayem. Bon, généralement, elle me répond jamais. C'est vrai ? Allô ? Allô, Vagin ? Ouais. Oui, ça va, Vagin ? Ouais. Oui, mais je t'appelle parce que j'ai besoin de toi pour une question. Là, je suis en pleine émission, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, on est en direct, en fait. Voilà. Il n'y a pas 1 million à gagner, je suis désolé. Les sélections n'ont pas voulu de moi. Est-ce que je peux dire bonjour à ta femme ? Vas-y, dis bonjour à ma femme. C'est René Marc, je te dis bonjour. Bonjour. Et toi, t'as vu ça? On dirait que vous êtes vu hier. Oui. attendez. Oui. Moi, c'est Bob du club. Bonsoir. Ne réponds pas. Bon. Alors, je te pose la question. J'ai ton fils qui me parle en même temps, qui demande si vous allez. Oui, bien, tu peux le tuer là, exceptionnellement. Oui, dis-lui qu'on va bien. Alors, la question est celle-ci. Quel est le prénom de Swann, le héros du côté de chez Swann de Proust? Dans le roman, quel est son prénom? S'il te plaît, dis un truc. Vagin. J'ai dit que t'étais intelligente. Enfin, t'es blonde, mais tu vois, t'es intelligente. Vas-y. Elle, ça remonte à loin, là, elle, quand même. Ouais, c'est pour ça. J'en ai rien à foutre. Vas-y, m'affiche pas. Putain, fais pas chier, on t'appelle exprès. Merde. Je t'appelle jamais. Là, je t'appelle et tu réponds pas, putain. C'est un coup à ce qui rentre pas, hein. Vas-y. Ah, non, mais alors là. Là, je suis un peu entre les couches, les biberons et les vomis. Ah, vas-y, raconte ma bite aussi. Donne-leur la taille de ma bite aussi. Ah, parce que Waco, en plus, t'as pas de réflexe. Bon, bah, donne un nom au hasard. Le prénom de Swann, personne s'en rappelle. Bah, ouais, personne s'en rappelle. C'est peut-être Swann, non? Swann. Bon, bah, chérie, je divorce, bon, hein, d'accord? Bon, on lui fait un gros bisou quand même. Salut, hein. Merci, allez, merci à toi. Bon courage. Bon. Alors donc ça, on n'aura pas la réponse du côté du côté des petites. Alors Waco, franchement c'est la dernière fois que tu viens ici. Parce que excuse-moi mais bon, la vie quotidienne, tout ça, un ménage classique. Alors banal, les bonnets M. Ouais. Bon, je vous le donne alors. Non, c'est C'était Charles. Ouais, hey, voilà. Ouais, non mais oui, c'est un prénom. Mais oui. Alors là, je repasse du côté des petites. Ouais. Quel nom porte la place de Pékin sur laquelle le mouvement des jeunes a été écrasé en juin 1989? Alors ça, vous devez le savoir, les gars. Moi, j'avais 6 ans. Non, mais attends. C'est pas la place. Oui, le problème, c'est que depuis, il y a eu Alzheimer. Cash. Alors, excuse-moi pour la prononciation. Tiananmen. Correct. Ouais. Qui est la voisine du héros de 7 ans de réflexion, le film de Billy Wilder? Attends, c'est truqué. Mais qu'est-ce que c'est pas que ça? Possible, la carte. On n'a pas eu cette carte-là, nous. Non, mais ça... Alors, une réponse, Bob? Je ne sais pas. Alors, la main passe. Allez, ensemble. 3, 4, Marilyn Monroe. Et oui. Avec la scène de la bouche de métro, d'égout avec la jupe qui vole. Ah, c'est ça. C'est là-dedans. Là. Pour le truc de jadis. Clara savait. Alors là, je vous préviens d'ores et déjà. Franchement, moi, depuis Swann, j'ai fait plus la même. Noir et blanc. Là, il va y avoir un cache de Bob. Ah bon? Attention. Sur quelle planète a atterri en 1975 la sonde américaine Viking 1? Bon. Ah non, je me suis trompé. Il est dans la lune. Elle a atterri? Oui. Sur quelle planète, hein? Oui. Ah, si bon, elle a atterri, c'est sur la Terre. Ah bah, cache Mars. 2 points. Ouh. Ouais. Alors, c'est tout juste ce qu'il a dit. En quelle année la France dépassa-t-elle le million de téléviseurs? Cash. En 1900. Attends. 1950. 1959. 1960. Alors, 65. Le million de téléviseurs, hein. Oui. Moi, je dirais 60, mais. Voilà, le truc 50. Mais c'est le pas problème, possible, le piège, il est là, 59-60. Ouais, 59, à mon avis. On va dire 59. Allez, 59. Si c'est 50, je vous pisse dessus. Ah. Si attention. Si c'est 60, je te. Alors, qu'est-ce que tu dis, Maurice? 1 million, c'est pas possible. Allez, 59. On dit 59, mais ah moi, oui, je pense que 59, c'est... et bien ça fait un point. Ouh, bravo, bravo. Je vais me pisser dessus. Bon, allez, on revient juste après cette courte pause avec Aymeric de Guy et Candidator. Yeah. Retour, on va se marrer. Avec Candidator, René Marguedge, Waco et la charmante Clara. Clara. Ah, ah oui, et Clara comment? Clara. Le fort. Ah le oui, fort. Clara le fort. Ouais. Ouais. Excellent, Clara Lefort. Mais oui. Alors, René Marc, on l'a dit tout à l'heure, oui, au début de l'émission. Oui. Bien sûr, les feux de la rampe à Paris. Oui. Mais redis-nous un petit peu les lieux qui vous accueillent, parce que Candidator, maintenant, c'est dans toute la France. Oui, alors, attends, c'est dans toute la France, mais ça te dérange pas que je te filme pendant que absolument je te parle? Absolument pas. J'ai fait 20 ans de télévision. Alors, génial. Mais depuis, je ne peux plus. Sous le nom de Julien Courbet. Oui. Elle est très drôle. Oui, oui. Elle est très... Et à 16 heures perdues, il vend des fenêtres. Oui, aussi. Non, nous sommes au théâtre des Feux de la Rampe depuis, c'est notre cinquième année, ouais, tous les dimanches soirs de septembre à juin. Super. Voilà. Maintenant, nous sommes officiellement à Lyon, oui, le dernier lundi de chaque mois, au théâtre du Rideau Rouge. Ah oui, donc c'est vraiment régulier maintenant donc à Lyon. Ça devient régulier à, ouais, Lyon. D'accord. Avant, on était à la Comédie Odéon, mais tous les, oui, trimestres. Maintenant, nous sommes tous les mois, il y a du Toblerone qui circule. Non, c'est ça, Frédéric sort ses stocks de son attaché-caisse. D'accord, très bien. Non, parce qu'en en fait, il est censé me donner un petit mot, ah, mais il sort les chips, le chocolat, voilà, le machin, etc. Tu vois. Dans deux secondes, il y aura du cassoulet. Aussi, c'est le fond de la mallette. Ah bah oui. Ah voilà, c'est vrai. Donc une fois par mois, tous les derniers, ouais, lundis de chaque mois au Théâtre du Rideau Rouge à Lyon. Ouais. En dehors de ça, qui est officiel, ouais, on va faire des soirées exceptionnelles, ouais, dans chaque région de France pour recruter le talent de la région. D'accord. Donc il y a Blois, Toulouse, Marseille, Lille. On essaie d'ouvrir Strasbourg et Bordeaux et, ouais, puis il y a Nantes. D'accord. Voilà. C'est un peu... Alors pour connaître les dates, bon bien sûr j'imagine que les théâtres locaux font leur on propre... On est en train de les décider, voilà, parce qu'on, ouais, est en début de... parce qu'on est en début de saison, mais en gros c'est entre janvier et avril, d'accord, qu'on se balade dans les villes de France. Bon bah tu reviendras d'ici là et, oui, t'auras les dates sur Facebook, hein, sur internet et tout, les dates circulent évidemment. Alors on doit dire une chose, c'est que donc à cause de René Marc, circulent comme on veut dire. À cause de René Marc, hein, on doit le dire, nous avons dans l'émission donc depuis quelques mois maintenant Aymeric de Guy, oui, à cause de moi, à cause de René Marc, parce que, bah parce en fait, que vous l'avez rencontré à Candidator, voilà. Et depuis, il vous fait chier depuis 3 ans. Voilà, il nous fait chier. Et donc, on s'est fâché avec la moitié de et la... Et comme toi, t'es tellement con, t'as dit oui. Oui, ben voilà, et c'est ça. À cause de lui et grâce à moi-même. Alors, Aymeric de Guy, ici présent, nous prépare chaque semaine une petite actualité du monde fou, et c'est maintenant Aymeric de Guy. Bravo! Stop! Stop, ah, merci. Ah. Français, Française, Bachar, Bâtard, Poutine, Lagouine, race blanche, race noire, race neutre. Les goûts et les couleurs, on ne discute pas, on s'écrase. Pour toi Nadine Morano, fin de race que tu es. C'est les infos du monde fou, je suis Aymeric de Guy, collectionneur de djihadistes empaillés, et ce que je préfère dans le socialisme, c'est grimper la roche de Solutré à poil avec une rose dans le cul. Manière comme une autre de se présenter. Bon, quelques petites nouvelles en bref. Bienvenue dans ce monde putréfié où, par exemple, 70 pays appliquent encore la peine de mort. Youpi, la vie est belle. L'Arabie Saoudite est nominée au Conseil des droits de l'homme. Mmh. Où là-bas, la formule de politesse d'un bourreau, bien sûr, c'est « attention à la tête ». Et qu'est-ce que les dirigeants de ce pays aux arguments tranchants peuvent répondre aux remontrances de ces lois archaïques ? « Parle à mon cul, ma tête est malade ». Ah, tu m'étonnes. Rapide nouvelle aussi, Philippe de Villiers, vous vous souvenez ? Ah, il, oui, sort d'outre-tombe, ah, oui. Ah, oui. L'ancien député souverainiste sort un livre, ah, un livre coup de gueule politique, « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu », aux, ah, éditions Albin Michel, sorti le 1er octobre, ah, préface de Montagnier. Où est-ce que j'ai... Ouais, Gilbert c'est... Montagnier, ouais. Bah oui, c'est le plus intéressant de passage. Mais rappelons-nous quand même qu'il y a eu une rumeur, une polémique sur une inceste entre le grand frère et le petit frère de Villiers. Quand on a créé le puits du fou dans l'intimité, on a peut-être créé le puits du trou. Non. Si, non, bah si, bah si. Autre pub musicale, ah, retrouvez le dernier album de Nadine Morano avec le titre « Je fais de la plongée sous-marine », extrait. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe du facho. On a des blanches fesses, pas comme celles de tous ces négros. Oh non. Oh non. Oh non. Ça c'est la trompette de la censure. Hein. Oui. Oui. Pour conclure, Nadine ne symbolise pas la discrimination, mais non, pardon, la nation, mais la discrimination. Nadine, c'est le genre de parasite populiste qui nous en fait voir de toutes les couleurs, ou plutôt qui veut nous empêcher d'apprécier la diversité colorée et qui veut la blanchir impunément. Nadine, enfin plutôt Nardine Romano, Nardine Romano, écoute, laisse-toi guérir de cette haine, autrement ça va s'empirer. Et Nadine, sache que ce fut une heureuse et lumineuse surprise lorsque je m'aperçus que toutes ces belles pensées à l'égard des êtres humains, quelles que soient leur couleur et leurs origines, qu'elles ont été écrites non pas blanc sur noir, mais noir sur blanc. Soyons fiers de nos couleurs. Yeah. C'est engagé, hein. C'est engagé ce qu'il vient de faire là. Mais pas par toi. Le problème, c'est qu'après, c'est être engagé qui est compliqué. Ouais. C'est engagé, mais plus par toi en tout cas. Je t'ai tendu la perche. Bon, c'est fini. À très bientôt. Moi, d'ici là, la terre se bat. Qu'est-ce que tu as contre Nadine? Rien, c'est pour le. Je sors sur la vague. Ah, oui. Moi, je me marre parce que... Pablo Marine, hein, Pablo Marine. Oui, bien sûr. L'un de nos parrains et plus proche de candidateur, c'est Gérald Dan. Oui. Et Gérald Dan, il y a quand même quelques années qu'il a eu un problème avec Il s'est fait passer pour Louis Alliot-Marie. Oui. Non, pas Louis Alliot-Marie. Et Nadine Morano avait demandé qu'on arrête avec les comiques, etc. Elle avait demandé... Oui. Mais en fait, généralement, les politiques, quand ça va mal, ce qu'ils veulent plus, c'est qu'il y ait des comiques. Oui, c'est ça. Regardez Canal+. Donc là, on supprime tout. Si je peux me permettre, c'est surtout Nadine Morano qui a eu des problèmes plus que Gérald. Mais parce que Gérald nous a raconté l'histoire, et je ne vais pas la dévoiler à l'antenne, mais il a gagné son procès contre Nadine Morano quand même. Mais il faut savoir quand même que les hommes politiques adorent ça quand c'est les autres et qu'ils n'aiment pas ça quand c'est eux. Exactement. Mais oui, mais bien sûr. Bon, alors, on rappelle quand même que si vous voulez être ennemi avec Émeric de Guy, vous pouvez le demander comme ennemi sur Facebook. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On boit un coup ? Non, une petite blague d'un auditeur. Allez Maurice. La boîte email de Maurice. Maurice@onvasemarrer.com. Une blague 2. Alors dans la purée, vous faites des pommes de terre ? Huître. Elle est beau celle-là. C'est Sophie de Rouen. Ah oui, on a beaucoup d'auditeurs maintenant dans ce coin-là. Ça va être une salope celle-là. Ah non ! Ah non, Maurice ! Non, parce que Nelly était très bien. Ah, alors. Pourquoi la vache traverse-t-elle la rue ? Attends, on te pose la question. Mon cher René Marc. Oui. Pourquoi la vache traverse-t-elle la rue ? Alors, on ne sait pas. Pour aller de l'autre côté. On ne sait pas. Pour aller de son cours de musique. Non. Pourquoi ? Ah, pour aller à son cours de musique. Non. Et elle est où la vanne ? Il y en a pas. Ah, ça y est, il l'a vu. Alors attends, depuis le début. Il y a un truc que je comprends pas. Attends, il va te la faire, ça y est. Attends, je comprends pas. René Marc. Oui, ça y est. Mon cher René Marc. Oui, mon cher Maurice. C'est une blague de Sophie de Rouen. Oui, de Rouen. La salope. Pourquoi la vache traverse-t-elle la rue ? Ah, oui. Pour aller à son cours de musique. Ah, ça change tout. Mais ça change tout. C'est pas drôle sinon. Elle est vachement drôle. Non, elle est pas drôle. Ah la vache. Et on bouge plus. Et est-ce que tu sais pourquoi les poules traversent la rue juste derrière les voitures ? Non. Pour arriver entière de l'autre côté. Eh oui. Excusez-moi, mais c'est de pis en pis. Mais ça, c'est les vaches. Ouais. Hey, René Marc, tu te souviens de la blague de Maurice, de la vache et le citron ? Ah, grand moment. Allez. Vous l'avez pour René Marc. Non, pour René, il va te la faire. Tu me la refais, tu me la refais. Mais vraiment, il ne la fait que quand t'es là. Hein, parce que sinon, il la refuse systématiquement. Fais-moi la vache et le citron. Allez. C'est pas sûr que j'arrive. Si. T'inquiète pas, Maurice, c'est sûr. C'est sûr, Maurice. Mon cher Waco. C'est sûr que tu vas. Mon cher Waco, ma chère Clara et mon cher René Marc. Oui, mon cher. C'est une vache qui est. C'est une vache qui est un citron qui veulent braquer une banque. La vache dit on ne bouge plus. Non. On ne bouge plus. Oui. Et le citron dit plus un geste. Plus un job. Je suis déçu. Elle n'y arrive pas. Profondément déçu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à candidateur un dimanche soir pour qu'il la fasse en direct. Non, c'est pas possible. c'est pas possible. Pourquoi ? Impossible. C'est un concours de talent. Oh, Les gens l'aiment bien, Candidator. On t'emmènera, Fred. Non, moi, je ne suis plus invité. Ce que j'aimerais bien, c'est à la finale, quand il y a 14 professionnels dans le jury, que tout d'un coup, entre les candidats sélectionnés à l'année, on a une surprise. Eh ben, t'aurais l'air et bien là, con. Et là, Boris, il arrive et fait, alors, c'est une vache et un citron. Et il te fera les deux. Il te fera la vache et le citron. Ouais. Et Star Wars. Et t'aurais l'air bien con si c'est le seul qui a un contrat. Hein. Oui. Oui, en plus, oui. Star Wars. Quand a lieu le retour du Jedi? Je ne sais pas, Maurice. C'est entre le mercredi et le vendredi. T'as vu, maintenant, alors là. Ça y est, c'est rentré, tu la maîtrises. C'est rentré, tout va bien. Ça, c'est bon, hein. Bon, allez, dans quelques instants, c'est Waco qui nous a préparé une surprise, on ne sait pas laquelle. Et attention. Il remet sa culotte. Waco, minute soupe. C'est de pire en pire. Bon, jingle et l'équipe de candidateurs revient. Retour, on va se marrer avec René Marguedge pour candidateur. Bravo. Qui est accompagné par Clara Lefort. Et quel accompagnement. Oui, qu'on va voir bientôt sur scène. Mais oui, nu. Et c'est à partir d'octobre à 20h au théâtre Le Kibélé. À partir d'octobre à 20h. Au théâtre Le Kibélé. Je parle du nez, je suis enrhumé. Oh, il y a un moment, hein. Ça fait des années. Bah, laissez-le finir. Alors, si vous voulez voir Clara Lefort. Il faut. Ça sera à partir d'octobre à 20h. Oui. Au théâtre Le Kibélé, 12 rue de l'Échiquier, à Paris 10e. Ah, c'est bien. Mm-hmm. Voilà. Très bien. Et alors, et qui c'est qu'il y a avec Clara? Il y a Waco. Ah, et alors Waco, qu'est-ce qu'il nous a fait? On va l'entendre tout de suite. Parce qu'il a préparé une petite surprise. Et bien sûr, et il remet sa culotte. Allez, Waco! Oui, je vous ai préparé quelque chose d'inédit pour ce soir. Il s'agit d'un petit poème d'humeur, puisque j'ai envie un petit peu de me confier, puisque mon enfance est mise à mal en ce moment. J'ai eu le droit au cours d'éducation civique. Et en ce moment, les cours qu'on m'a donnés m'ont perturbé maintenant que j'arrive à la trentaine, puisque depuis mon enfance, j'entends que nous sommes tous les enfants de la République. La République est quelque part notre mère à tous, et elle en bave en ce moment. Et comme tout enfant, j'ai voulu faire un petit poème à ma maman. Alors accrochez-vous, j'y vais. Ah. On s'accroche. Quelle est belle maman, enfin au début. Maintenant, elle a mal vieilli, maman. Elle était pourtant si belle dans les archives d'antan. Maman, oh maman, s'il te plaît, écoute-moi l'un de tes enfants. Tu m'as fait rêver toute ma jeunesse, je ne jurais que par toi, je te tendais mes fesses. Puis un jour, j'ai voulu voler de mes propres ailes, et là j'ai vu ton vrai visage, celle d'une femme infidèle. C'est vrai que papa ne t'a pas rendu la vie facile, mais de là à devenir une salope aussi fertile. Papa, parlons-en de son fier nom capitalisme libéral. Il est un grand expert des augmentations anales. Papa, t'as bien démonté le cul. L'arrêt bien élargi, maman, sache que ça pue. Je n'ai jamais compris pourquoi tu es si fière de cette relation malsaine avec mon père. Liberté, égalité, fraternité. Mais papa s'en bat les couilles. Tout ce qui l'intéresse, c'est s'en mettre plein les fouilles. Maman, ne vois-tu pas cette douloureuse évidence que tous tes enfants sont en souffrance? À cela, tu me réponds que tu travailles pour l'intérêt commun, un peu comme le ferait un proxénète pour toutes ces catins. Tu nous vends un paradis comme le ferait une religion, un emploi, la liberté. Mais maman, dois-je tendre mon fion à ce père qui met tes enfants en concurrence, qui résume nos vies à de simples flatulences? Dis-moi, maman, l'argent, à quoi nous sert-il, à part nous rendre esclaves ou débiles? Pourquoi acceptes-tu que l'argent décide de notre bonheur? Pourquoi pas le don de soi, la gratuité ou le cœur? Mais maman, rebelle-toi de toutes tes forces, je t'en prie, demande au plus vite le divorce. Je rêve de ce jour où papa sera du passé. Je rêve d'un jour où on n'ait plus besoin de bosser, enfin pouvoir passer mes journées à me branler. Je propose que nous ne retenions que la richesse des rimes. Oui. Non, très sympa. Vraiment, oui. Alors, par contre, ça a une toute autre tenue dans Candidator, parce qu'en tant qu'animateur. Ah non, mais ça n'a rien à voir, là. C'est ça, là, c'était pour nous spécialement. Oui, vous la jouez chronique télé, là. Voilà, mais très bien. D'habitude, il y a plus de gros mots que ça. Non, quoique, on retrouve une petite touche que je développe dans mon spectacle, puisque l'aventure Candidator m'a mené également à monter sur scène. Oui. Et le Wako Show. Exactement. Et donc, je fais le Wako Show 30 minutes avec Clara, justement, le 20. Ouais. Et Candidator, effectivement, révèle des talents. Même les parties de l'équipe essayent de. Les personnes qui travaillent avec René Marc essayent de. Bah, bien sûr. Candidator a toujours été géré par des artistes. Oui, c'est ça, c'est une fourmilière. Mais ta femme nous l'a dit, on l'a eu tout à l'heure, elle nous l'a dit que tu avais une petite touche. Merci beaucoup. Et on a dit tout à l'heure, Wako, on l'a dit tout à l'heure à René Marc, mais c'est vrai que René Marc, il aime pas trop se mettre en avant quand on parle vraiment de lui. Mm-hmm. On a parlé très très vite, mais là, il faudrait qu'on en parle de la pièce avec Richard. Ouais. Oui, parce que moi, je suis comédien depuis 30 ans et puis j'ai écrit pas mal de pièces. Et voilà, et puis je suis parti dans un vieux rêve que j'avais depuis 25 ans, qui était d'adapter un suspense policier, un classique du cinéma qui s'appelle Le Limier. Oui. Et ça s'appelle Je sais tes meurtres. J'ai trouvé par Candidator mon partenaire que vous connaissez bien sûr. Un one man show qui cartonne à Paris d'ailleurs. Excellent. Il est en prolongation au feu de la rampe, c'est Richard Hervé dans son one man show Snob. Et on s'est rencontré à Candidator, on a créé un duo puisque ce sont deux personnages. Alors c'était Laurence Olivier et Michael Caine au cinéma. Excusez-nous. Donc pas simple de passer derrière, mais on a trouvé un metteur en scène argentin qui s'appelle Enrique Morales qui nous a fait faire un chouette travail. Ce qui est très curieux, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont vu. Ben oui, on est venu le voir. Voilà, c'est que on s'oriente de plus en plus vers la comédie, parce qu'on est entre... Ah, vous avez modifié la mise en scène ? Non, c'est pas qu'on est entre... Ça dépend de l'état dans lequel on est. C'est un suspense policier façon humour anglais. Mm-hmm. Mais il y a des soirs, si on est dans le bon état, c'est très drôle. Puis il y a des soirs, c'est super prenant. Ouais. Je crois que vous avez assisté à un soir qui était entre les deux. Oui, c'était assez prenant ce soir-là. Vous étiez vraiment à fond. Alors qu'il y a 15 jours, les gens étaient morts de rire. C'est vraiment très curieux. Et là donc vous avez une série de dates qui se reprennent. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est un spectacle qui a du mal à trouver son public et c'est tellement atypique qu'on va démarrer au Quibélé, puisque c'est une salle dont on fait la programmation à partir du 3 novembre, une fois par semaine. Là. D'accord. Voilà. Ok, bah nous on invite vraiment les auditeurs qui nous écoutent à venir le voir parce qu'on a passé un très bon moment et effectivement comme tu le dis c'est très étonnant, on s'attend pas à ce duo très particulier. Le film dure 2h20, il y a plein de coups de théâtre et on a réuni, j'ai essayé de réunir l'adaptation française du film, tous ces coups de théâtre en 56 minutes. C'est ça. Donc du coup c'est... Ça n'arrête pas. Donc c'est avec Richard Hervé qu'on embrasse et on espère que tu reviens un jour avec Richard, ça nous ferait tellement plaisir. Très souvent, quand vous enregistrez l'émission, il est sur scène. Et voilà. Bon, Il m'a promis qu'on allait. On trouvera une solution, oui. Donc, allez, puisqu'il est temps de faire une dernière tournée. Quoi, si, une dernière tournée de blagues. Oh oui! Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Allez, Aymeric de Guy. Alors celle-là, je la dédie à tous les électriciens originaires de Russie. Comment reconnaît-on un enfant né à Tchernobyl d'un autre enfant ? C'est le seul qui brille quand on éteint la lumière. Oh non ! Oh si ! Oh non ! On va se gêner, voyons. Wako ! Alors une blague du Nord, très courte. Hein. Papa, j'ai envie de faire caca. Ah, attends, je me retire. Celle-là, déjà, moi, je la faisais dans le temps et vous voulez plus que je la fasse. On voulait plus que il remplace Gérard, là. Maurice. Alors, bon, j'y vais, c'est un sponsor. Envoie-lui un sponsor. France Alzheimer présente la blague de Maurice. Pourquoi les grenouilles ont-elles toujours le cul dans l'eau ? Je sais. Ouais. Pour garder la rainette. Oui. Le sponsor va demander le remboursement. Ouais. L'autre fois, j'achète un vélo. Et puis, j'encontre un copain, il me fait « Enlève ta pompe, on va te la voler. » Non, c'est pas fini. Donc, j'enlève la pompe. J'enlève la pompe. Ils m'ont volé le vélo. Vas-y, envoie le jingle. C'est tout, là. Là, tu peux, là. On peut se marrer ou pas ? J'ai rien compris. Alors, c'est normal. Ta copine sur le vieux port. Oh, dis donc, Antoine, oui, dis donc, hier soir. Putain, je m'étrangle. Oh, le con. Ah, oui. Salut à toutes et à tous, on va crever. Il y a un poil, il y a un poil en plus. Alors, hier soir, je me suis fait une gonzesse, con. Ah, ben alors, une gonzesse. C'est pas ce quoi. Dis donc, elle avait un clitoris comme un cornichon. Ah oui, aussi gros? Non, aussi aigre. Non. Bravo. Non, c'est comme Waco, c'est inacceptable. Frédéric Coster. Que dit une blonde? Quelle est la première chose que dit une blonde après une nuit d'amour? Vous avez pas un? Non. Alors comme ça, vous jouez tous dans la même équipe? René Marc. Vous l'aurez voulu, hein? Oui. C'est un mec qui est en train de mettre le doigt dans le sexe de sa femme. Oh! Oh, oui, oh oui, chérie, c'est bon, mets-moi deux. Pourquoi, tu veux siffler? Oh! Voilà. Allez, Clara, une petite mignonne. Une petite mignonne. Je sais pas, alors, je vais en faire une que je connais. Oui, de préférence, oui. Donc, c'est un couple de juifs ashkénazes. Et donc, le monsieur, malheureusement, il va mourir. Ah. Et donc, il a sa femme à côté, Esther, et il lui dit, Esther, dis donc, quand on s'est fait déporter, t'étais là? Esther, elle dit, oui, j'étais là, oui, oui. Elle dit, quand on est revenu, qu'on a perdu notre maison, t'étais là? Et elle dit, oui, oui, j'étais là. Et elle dit, après, on a monté un commerce et puis on a fait faillite, Esther, tu te rappelles? Et Esther, elle dit, oui, oui, je sais, j'étais là. T'étais là tout le temps, Esther. Esther, est-ce que tu me porterais pas un peu la poisse? C'est très marrant parce que moi je la faisais avec la version séfarade. Ouais. Ah ouais. Je fais mieux l'accent séfarade. L'essentiel c'est que ce soit juif. Oui. Ouais, ça finit séparé alors. Ça finit séparé alors. Tu me portes la poisse ou quoi? Ouais, c'est peut-être mieux avec le séfarade. Un court jingle et juste après, Frère Coster rend l'âme. On revient avec candidateur. Retourne, on va se marrer avec l'équipe de candidateurs. René Marc, Gage, oui. Candidateur, alors il faut le dire, il n'y a pas que des humoristes, hein, parce vous avez de la chanson aussi. Et puis on a de plus en plus de hip-hop, de hip-hop et de breakdance. Ah, vous allez piquer tous les mecs de chez Jamel si vous avez du hip-hop. Ben, ça arrive. Et on a même eu un mec qui a fait il y a 15 jours du hip-hop magie. Le mec, il faisait du hip-hop et il faisait apparaître des choses. C'était vachement bien. Bon, alors si t'aimes la musique, ça tombe bien, car en fin d'émission, Frédéric Coster, ici présent, nous sort son petit quiz. Un petit quiz, 8 extraits de chansons. Il faut retrouver les interprètes. Nous allons jouer avec le thème les parents et les enfants ce soir. Ah, c'est pour Waco. Prendre un enfant par la main, ou ailleurs, un savonnet sous le bassin, puisque tu en as, tu en as un, deux, trois, j'en ai trois. Trois enfants. Si jeune et déjà trois enfants. Ouais. Donc 8 interprètes, Bob le premier extrait, c'est le jingle, t'embête pas. Je suis désolé. On les note et on revient. Cash, ouais. Jingle. Pas de pitié pour mes éléphants, et parfois je sens l'un de mes jolis fangs. Arrête, ne me touche pas. Je suis une idole et tu n'es qu'une enfant. Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang, sur des larmes de mer. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long du quai flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux. J'ai découvert qui je suis. Wow. Il est pas facile. Alors, Bob a noté sur de lui le numéro 8. Oui. Non, je sais pas qui c'est. Ah bon, parce que j'aurais donné un paquet de cacahuètes si tu avais découvert. Ah, il aurait pu, parce qu'elle est quand même régulièrement sur une émission. Non, c'est pas. Alors, je me suis trompé peut-être. Non de quoi, la 8 là ? Oui, elle est pas aux grosses têtes ? Ah bon ? Ah bah alors, à ce moment-là, il fait du spiritisme, Laurent. Ah bon, alors. Je barre. Elle s'est quand même suicidée l'année dernière. Là, ah oui. Suicidée je crois, oui. Voilà, enfin, je vais apprendre des trucs. Elle est décédée, en tout cas. On dit qu'elle est, bon. Ouais, elle est morte. Mmh. Ouais, alors, c'est pas clair. Elle en est morte. René Marc, tu en as trouvé combien ? 6. Enfin, tu penses en avoir trouvé combien ? J'en ai 6. Sur 8. C'est pas mal. J'en ai 6. Ah, c'est pas mal. Clara. Alors, moi, j'en ai une. Mais je suis certaine. Oui. Oui. Et les autres. C'est la 2, voilà. Parce que c'est un mec, la 2. Hein. Non, non, elle a... C'est la 2, effectivement. Non, c'est la 5. Bon, oh, Waco, on va jeter un voile pudique. À ce point-là. Bah, j'en ai 2, mais absolument pas sûr. Ah, bah, écoutez, on va le. Qu'est-ce que tu fais, Maurice ? Le 1, moi, je l'ai. Le 1, je l'ai. Le 1, je l'ai. Priorité aux invités, sauf le 1, faut le laisser à Bob. Mais c'est peut-être pour lui. Que je me trompe, mais je l'ai. Non, non, mais le 1, c'est pour Bob. Donc, ça, c'est le jingle. C'est vrai ? Le 1, c'est pour Bob, c'est le seul qu'il est sûr de trouver chaque semaine. C'est vrai ? C'est Annie Cordy. Ah ouais, c'est ce que j'ai mis. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Annie Cordy. Qu'est-ce que c'est ? Mais il faut savoir que c'est dans le contrat. Oui. Il doit mettre Annie Cordy, tu te testes. Alors, juste une question. C'est une chanson qui a été éditée ou elle te l'a envoyée sur une cassette ? C'était une, deuxième phase de 45 tours. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Il est enregistré sur un poste Galen. Alors, ça, je connais, mais j'ai pas été capable de retrouver, moi. Alors, Evangélie a fait une adaptation. Oui, mais c'est pas Evangélie. C'est pas Stone, quelque chose. Non. C'est Phil Barnet. Phil Barnet. Eh oui, Phil Barnet, mais oui. Ah, t'avais mis quoi, Bob ? Dev. Ah oui. Ça, je sais. C'est Bobby Lapointe. Eh ben voilà. Ah oui, bravo. Voilà. Et ça, alors, c'est... ça, c'est la chanson, c'est ma chanson préférée. C'est la copine de Philippe. Ça, c'est. Cette chanson me met dans tous mes états. Mais c'est qui chante ? C'est Isabelle Boulay qui chante. Bravo. Ah merde. J'oreille. Alors. Ouais. Ah. Bon, ben, et là, ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Ça. Clara. Non, c'est pas celui-là. Oh, c'est facile. Là, j'ai essayé de tricher, mais il écrit trop mal. Ouais, ça m'arrange. Bah, le dernier monument de la musique. Bah oui. 91 ans. C'est un des plus vieux. Aznavour. Eh oui, l'Arménien. Allez la voir. Et ça, tu sais, Clara. Ça, c'est louche. Ça, tu sais, Clara. Ça, c'est Dalida et ouais. C'est le Port de Pirée. Ah, je l'ai trouvé, celui-là, les gars. Un film de Jules Dassin. Et ça, je sais qui c'est. Ça, c'est facile, oui. C'est Serge Reggiani. Exact. C'est Reggiani, oui. Elle avait cartonné d'abord avec les poèmes de Michel. Et ouais. C'est qui ? Eh bien, c'était Terry Moïse. Bravo, Terry. Oh. Ah, bah oui, c'est alors là. Terry Moïse. Terry Moïse. Putain, c'est extraordinaire, j'ai jamais entendu parler. Bah, elle a fait. C'est dans les années 90. C'est normal que tu en as pas entendu parler puisqu'elle chante. C'était fin 90. Ouais, par moi. Alors, c'est quoi cette histoire ? Elle est morte ? Elle a fait deux succès. Ouais. Cette chanson qu'on vient d'entendre et puis les poèmes de Michel. Et puis après, ça a moins bien marché. Et elle est morte il y a un an ou deux, à l'heure où nous enregistrons. Ouais. Et voilà. Elle s'est réveillée le matin, elle était comme ça. Et d'un seul coup, paf ! Et alors là, mais elle n'a pas souffert. Du tout. Mais du tout. Bon alors, attention, parce que là, il faut que je fasse les totos. Hey. Oui. Bon. Ah, pardon. Mes acclamations. Ah, j'ai oublié. Les acclamations de Don Salus. Oh. Don Salus. Ouais. Alias Frédéric Coster. Viva Don Salus. Don Salus. Viva pardon. Monsieur est riche. Pour le blind state à la con, là. Putain, je mets des vieux exprès pour toi, oh. Bobby Lapointe, c'est vrai que bon, alors... on a tendance à l'oublier. Ouais. Bon, alors, moi, je dois dire une chose. Ouais. Les Bonnet-M, l'équipe de René Marc, Gage, Clara Lefort. J'ai toujours gagné cette émission. Oui, oui, et Frédéric Coster. Si nous citons... S'il nous cite en premier, c'est qu'on a perdu. 5 points. Ah, bravo. Ah non, c'est mal. Bravo, non, mal, les gars. Bravo. 5 points. Je suis fier de toi. Non, mais ils ont dû gagner un ou deux d'habitude, points. D'habitude, je suis à 9. Bravo, René. Alors, l'équipe les, des petites, Émeric oui. Deguy, Waco, ouais. Maurice et Bob du club. Je dois dire, Bob, que tu vas être content. Oui. Car ouais. tu les écrases. Oh, la vache. Tu les façon Pulse. Oui, tu les pulvérises façon Pulse. 10 points. Le double. Là, là, là. On vous a violé, les gars. On dit pas bien. Oui. Eh, Bonayem, daddy cool, hein. Oui. Bon, ben voilà, écoutez, c'est comme Clara ça. Clara tire à jouer au Paname. Émeric, Émeric, tu ne reviens jamais dans mon équipe. Bon, alors, c'est le jeu. Oui, ben je lui dis qu'il ne reviendra jamais dans mon équipe. C'est le jeu, mais ouais. ça va nous permettre de refaire un petit tour de promo de nos invités, Maurice. Ah oui, alors, ça, si on veut écouter Clara Lefort, oui. il faut venir. Il faut oui. venir au théâtre Le Quibélé, oui. 12 rue de l'Échiquier, à Paris 10e, oui. c'est métro Bonne Nouvelle, oui. c'est à partir de, d'octobre, du 20, du 20 octobre, d'octobre à partir de 20h. Octobre. Avec, avec Waco. Avec Waco, voilà. voilà. qui est en guest. Non, il n'est pas en guest puisqu'il est en pourquoi âge. Clara ne serait pas en guest par rapport à Waco. N'en rajoute pas, Maurice, chaque fois ça fout le bagaille. Quand tu veux, voilà, j'ai foutu la merde, c'est voilà. bien. À chaque fois que tu improvises, c'est la merde. Voilà. Alors voilà. sinon, Maurice improvise régulièrement à Candidator au Théâtre des Feux de la Rampe le dimanche. Ça, on s'éclate. Le dimanche à 20h30, c'est notre 180e ce dimanche avec M. Marcel Philippot. Ah oui, alors on le rappelle, toutes ouais. les semaines, il y a des vedettes qui viennent. Il y a des vedettes qui viennent parrainer la soirée. Et donc, il y a les ateliers de Candidator le samedi matin. Tous les samedis matins de 10h à 13h, ce sont les ateliers pour faire travailler les artistes et ceux qui le désirent face à des professionnels. Alors, Candidator.fr, c'est pour avoir toutes les actualités. Oui. Candidator avec un K. Avec un K. Candidator avec un K. Et puis la page Facebook, et la page Facebook, alors devenez amis avec Candidator parce qu'il y a du contenu. Ah ouais, toutes les Et notamment, il ouais. y a les vidéos de Waco. De Waco ouais. Très sympa à regarder sur Facebook. Oui. Alors on va remercier encore une fois René Marc Gage. Oui. Bravo. Clara Lefort. Oui. Merci Clara. Bravo. Pas trop dur, Clara, en cette fin de soirée hein. Non, pas... ça va, j'ai quand même bien bu. Ah non, comment... Quand je dis pas trop dur, je veux dire c'est la main que tu as sur Émeric Deguy. Ah c'est plutôt la gauche molle. Ah mince. Waco. Ouais, merci à ma bon. Femme. Vagin. Allez, on va se marrer.com, il y a les anciennes émissions, la page Facebook avec la photo de ce soir et iTunes, vos abonnés pour avoir les podcasts. Et puis je ne citerai pas Instagram et tout le tralala où il y a les photos. Allez-y nombreux, ça nous fait plaisir que vous nous suiviez. Vous êtes sages, on reviendra avec Candidator dans un mois et demi. Ouais. Et sinon, la semaine prochaine, même punition, même peine. Vous avez la même chose. Merci Vachon.